1. J'aime beaucoup le cinéma. 2. Je n'aime pas le poisson. 3. Il fait un peu de sport le dimanche. 4. Vous avez beaucoup de travail? 5. J'adore le théâtre.